Mosaïque. Chers auditeurs, chers auditrices, bonjour, bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. L'intolérance politique ou la cohabitation entre les membres des différents partis politiques cause problème. Certains membres des partis politiques de l'opposition sont emprisonnés ou malmenés. La jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est pointée du doigt par les leaders des partis politiques de l'opposition dans certaines provinces du pays. Et le parti au pouvoir rétorque, il y a des partis qui opèrent alors qu'ils ne sont pas reconnus par la loi. Et pour mener ce débat autour de cette cohabitation, nous sommes avec nous ici au studio avec quatre invités. À ma droite se trouve le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Évariste, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. À côté de lui, nous avons l'honorable Agathon Rwasa, député élu de la coalition des indépendants Amizero Zéro Yabarundi. Honorable, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci. Nous sommes également avec nous au studio, Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebou. Vous avez été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Honorable, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Ouais, bienvenue aussi dans l'émission Mosaïque. Et voilà à ma gauche l'assistant du ministre de l'Intérieur ayant en charge la gestion des partis politiques au Burundi, Terence Nahiraja. Vous êtes aussi le porte-parole de ce ministère. Bonjour. Oui, bonjour Marie-Ange. Je dis bonjour aussi à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Eh oui, et bienvenue également dans l'émission Mosaïque. Mosaïque. Et pour débuter cette émission, nous accordons la première intervention à l'honorable Agathon Rwasa. Comment vous appréciez aujourd'hui la cohabitation au sein des partis politiques à travers le pays? Ma lecture est que la cohabitation politique au Burundi est à rude épreuve, même aujourd'hui. Et je le dis ainsi parce que on voit qu'ici et là, il y a une recrudescence d'arrestations qu'on peut même qualifier d'arbitraire, parce que des fois elles s'opèrent en dehors de tout respect des procédures. Vu que tantôt ce sont les Imbonerakure, la jeunesse du parti qui arrête les gens, tantôt ce sont des gens qui sont calomniés de ceci, de cela, juste parce qu'on veut les écarter des organes dont ils sont membres. Malheureusement, ça peut uniquement causer un climat plus ou moins trouble entre les citoyens, une mauvaise cohabitation, alors que l'on devrait joindre les mains ensemble pour œuvrer à l'édification de cette nation. Je peux juste vous citer quelques cas, sinon c'est presque sur tout le territoire national, mais il y a des cas où ça peut même susciter un ras-le-bol. Dernièrement, il y a quelques mois, je suis passé en commune Marangara, dans la zone Guéta, plus exactement dans le secteur Nyamulenge. Quelqu'un avait eu la malchance de voir sa maison découverte par un vent violent. Et un ami lui avait procuré quelques tôles, mais avait été dans l'incapacité de lui rendre ces tôles-là. Comme je me rendais dans le coin, j'ai pris le colis ou le bagage pour l'intéresser. Et c'est ça la source même de tout le malheur que vit la population sur cette colline. Le chef des Imbonerakure, qui est responsable du centre de santé de Guéta, et c'est la jeunesse qui le dirige, n'ont pas digéré que pareil geste soit bénéfique pour ce citoyen-là. Et alors, ils ont confectionné une liste, ils ont prétendu que à la place des tôles, j'avais emporté des armes, ce qui n'est pas du tout vrai. Et ils ont procédé à l'arrestation de 4 individus parmi ceux qui figuraient sur cette liste. D'autres ont dû prendre le large. Et le chef de la documentation, l'antenne Ngozi, est allé récupérer plus tard, après qu'ils eussent été tabassés par ces jeunes-là. Et par après, ils ont passé presque une semaine à la documentation Ngozi. Ils ont été frappés, ils ont été ligotés. Par après, grâce à l'intervention de l'antenne d'Ngozi des droits de l'homme, on a pu les acheminer vers la prison centrale d'Ngozi. Lorsqu'ils ont comparu au tribunal, le ministère public a toujours cherché à les charger de détention illégale d'armes. Et il y avait un faux témoin qui devrait affirmer que j'ai quitté le coin pendant la nuit. Or, tout le monde sait que je n'ai jamais été en commune Marangara le soir. Jamais de ma vie. Maintenant, ils croupissent toujours en prison. La Chambre du Conseil a délibéré et a trouvé qu'il ne peut pas être relâché, quand bien même il n'y a rien de solide dans le dossier. Ils jugent qu'il faut les garder là parce que leur sécurité serait menacée si jamais ils étaient libérés. À ce moment-là, je me demande si la justice tranche, qui d'autre devrait aller à rencontre des décisions de la justice. Donc, quelque part, vous sentez qu'il faut quand même une certaine approche à la dans le sens de dire à ces gens-là qu'il y a quand même des comportements inacceptables. Le droit, c'est droit. Ça ne peut pas être oblique, ça ne peut pas être curviligne. Il faut que le droit soit le droit. Il faut que tout citoyen jouisse pleinement de ses droits. Un autre exemple, c'est ici à côté, en commune Moutimbouzi, à la 13e avenue, un jeune qui rentre de son chantier où il fabrique des briques est interpellé par un groupe de trois jeunes du parti au pouvoir. Et il veut fouiller sa petite sacoche qu'il porte chaque jour lorsqu'il va sur son chantier. L'autre résiste et même la population qui rentre du marché le soutient parce qu'il juge que quand même ce n'est pas la prérogative de ces jeunes-là d'opérer ce genre de tâches. Eux, ils font appel à d'autres gens, dont un certain mafieri qui est malheureusement connu pour beaucoup de bavures avec armes, mais qui se promène comme si de rien n'était, et avec le chargé, je crois, de la documentation dans le coin. L'autre, sentant qu'il était en danger, il a dû fuir. Et cette jeunesse-là a cherché à faire la chasse à l'homme. Et malheureusement, un parmi eux a tenté de lui lancer une grenade qui malheureusement a blessé l'un de ses camarades. Ces jeunes-là s'en sont pris alors au centre-là de Maranvia. Ils ont détruit, ils ont démoli les kiosques, ils ont pillé les biens des citoyens. Et voilà que nul n'a été inquiété malheureusement. À ce moment-là, il y a des militaires qui sont intervenus. Et c'est comme ça que quand même, on a évité le désastre. Mais quelques gens ont été alors rendus à la position de police pour qu'ils y passent la nuit en sécurité. Et il y a eu des arrestations. Et lorsque des députés sont allés s'enquérir sur ce qui se passait, le chef de poste a osé dire qu'il n'avait pas emprisonné de gens, mais qu'il y avait des gens qui lui avaient donné des gens à garder. À ce moment, est-ce une fuite de responsabilité ou c'est quoi? Donc, et là, il affirmait qu'il ne pouvait pas relâcher ces gens, mais que ceux qui lui avaient rendu ces personnes-là venaient les récupérer le soir. On a quand même essayé de plaider la cause de ces citoyens et ils ont pu être libérés de justesse. À notre cas, tout récemment, un commerçant en province Tchankouzo, il a eu la chance de figurer sur la liste de ceux qui commercialisent le produit qui est vraiment rarissime au pays, quand bien même on le produit, le sucre de la sosumo, mais il subit vraiment un calvaire. Ça non, jusqu'à présent. Tout ça, c'est juste quelques faits que je vous relate pour vous montrer combien, en tout cas, la cohabitation n'est pas vraiment au beau fixe. Et je me dis que quand même, on ne devrait pas pour autant nous accuser de tous les maux si nous dénonçons pareilles actions. Parce que ce sont des actions qui sont tout à fait contre nature. Il y a des institutions étatiques, il y a la police, il y a l'administration. Nous comptons que ces gens-là assument leur rôle. Leur rôle ne peut pas être joué par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement que dans ces communes-là, les mêmes cas se reproduisent à Matongo, en province Kayanza, à Ousoni et ailleurs. C'est un constat amer. L'honorable Léonce Nguendakoumana, quelle est votre appréciation aujourd'hui sur la cohabitation entre les membres des partis politiques à travers le pays? La cohabitation pacifique n'existe pas aujourd'hui dans ce pays. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système politique à parti État. Nous avons un parti État. Ça veut dire que les autres partis politiques n'ont pas le droit d'exister, ne fonctionnent pas. Je dois dire qu'aujourd'hui, si je regarde ce qui se passe, il existe très peu de partis politiques dignes de ce nom. Parce qu'un parti politique signifie la capacité d'aller rencontrer ses militants, la capacité de faire fonctionner les organes du parti. Et La cohabitation alors signifie qu'il y ait un débat contradictoire en démocratie. Or aujourd'hui, il y a une grande et grave confusion dans ce pays entre la démocratie et les élections. Bon, je le dis pour le cas du Burundi, mais c'est un cas qui se généralise partout en Afrique. C'est comme une maladie qui a pris les dirigeants africains. Quand j'écoute ce qui se passe dans certains pays autour de nous, un peu plus loin, ça me fait franchement peur. En fait, aujourd'hui, les élections sont placées au-dessus de la démocratie. Pourquoi ? Parce que les élections permettent aux gens de faire du commerce. En fait, excusez-moi du terme, ce qu'on appelle élection en Afrique, c'est le commerce. C'est un commerce entre ceux qui sont au pouvoir et la population qui est appauvrie et qui n'a pas de moyens. Alors, quand on accède au pouvoir, on s'enrichit. On le voit aujourd'hui à travers ce qui se construit dans le pays. Pas une poignée de gens, malheureusement. Alors que la démocratie est un ensemble de règles pour gérer un pays. C'est ainsi que le ministère de l'Intérieur, par exemple, a instauré une gestion, je dirais, anarchique au sein des partis politiques, puisque les responsables de ce ministère sont les membres d'un parti politique. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de nous battre pour que prochainement, lorsqu'on fera un véritable débat, pas celui qui est organisé aujourd'hui, on va discuter de comment les partis politiques vont fonctionner. Parce que celui-là, au niveau du ministère de l'Intérieur, on se comporte comme les militants d'un parti au pouvoir. Alors, je dis, en résumé, il n'y a pas de cohabitation pacifique parce que nous sommes dans un système politique à parti État, je vais le démontrer si vous voulez. Et il faut plutôt parler de la répression des partis qui émergent par ce parti État. Évariste Ndaye Chimier, on parle d'un parti État au Burundi. Voilà ce qui a phagocyté notre pays, la culture du mensonge. Léos lui-même est témoin. Il déclarait qu'il est clandestin et qu'il se cache toujours dans sa maison. Et heureusement, nous nous rencontrons ici dans ce studio. Il m'a dit qu'il est venu à pied. Vous savez comment je suis venu? Je suis à pied. Il demande qu'on lui donne un véhicule et la sécurité. Mais heureusement, il est venu et il est arrivé ici. Donc, il est venu ici. Il parle déjà qu'il construise. Lui-même, il vit à Kiriri. Moi, je ne vis pas à Kiriri. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, je vivais à Gasenyi. Mais lui, il vit à Kiriri. Qui est à l'aise aujourd'hui entre lui et moi? Qui a construit dans un quartier qui est vraiment résidentiel, tout près du président de la République? Est-ce que moi aussi, je n'aimerais pas vivre là-bas? Si vous dites qu'aujourd'hui, les gens construisent, c'est un mensonge tout ce que vous dites. Et c'est ce qui a phagocyté le Burundi. Peut-être, les gens qui construisent des maisons, il y en a, on les voit partout, mais peut-être que ce ne sont pas seulement des hommes politiques. Il n'a même pas osé demander à celui qui construit où il a trouvé les forces pour lui. Mmh. Mais lui, il confirme. Je connais l'endroit. Qu'est-ce qui vous dit que c'est une réalité? Ça, c'est ce que je voulais dire d'abord, de conseiller aux politiciens de ne pas continuer dans cette culture de mensonges, parce que ça détourne la population. Et la population est détournée, les conséquences sont néfastes. Deuxièmement, je voudrais d'abord parler d'où nous venons. On vient d'une période électorale. On est dans la période post-électorale. Pendant les élections, la campagne semble diviser les citoyens, parce que chaque président d'un parti politique aligne ses membres derrière lui. Le gouvernement a son mandat et démissionnaire. Après les élections, normalement, on devrait encore une fois se rassembler parce que même si nous divergeons pendant la campagne électorale, le pays reste, la nation reste. Après les élections, normalement, ce qu'il fallait faire, c'est se rassembler encore pour aller ensemble comme citoyens burundais. Monsieur Honorable Wassa l'a bien dit. Il faut d'abord se reconnaître comme Burundais, comme citoyen burundais. Être citoyen burundais, c'est-à-dire un citoyen qui accepte d'exécuter ses obligations patriotiques. Le devoir aussi doit être le devoir de l'État. Il faut savoir séparer les choses. Il y a l'État. Tous les partis politiques voudraient qu'il y ait un État de droit renforcé. Un État de droit signifie un État qui a l'obligation de gérer le bien national, le bien commun, qui respecte les lois et les règles. Si un citoyen, qu'il soit politicien, qu'il soit un simple citoyen, empiète la loi, il revient au gouvernement de sanctionner celui qui viole la loi. De tout ce qui se dit, moi je peux dire que il y a une globalisation. C'est-à-dire les imbonés à la courée sont des criminels. Est-ce que vous pouvez demander officiellement au gouvernement d'emprisonner tous les imbonés à la courée? Parce qu'il a globalisé, il a dit imbonés à la courée. C'est-à-dire tout imbonés à la courée est criminel. Il a parlé des cas, il a parlé de certains cas. Si on parle imbonés à la courée, pourquoi ne pas dire tel a commis un crime? Pourquoi le gouvernement n'a pas puni? Pourquoi la justice n'a pas agi? Mais ce n'est pas dire aller se lamenter à la radio. Je pense que ce n'est pas la justice. On ne vient pas pour plaider. Non, ça c'est un débat. C'est un débat. Donc, aujourd'hui, il n'a pas témoigné un jour où il a demandé officiellement aux autorités judiciaires ou administratives d'agir pour que ces gens-là qui séquestrent les gens puissent être punis. Il faudrait, je conseillerais à tout un chacun, s'il y a quelqu'un qui viole la loi, qu'il soit dénoncé et il a sa qualification propre. Et si le gouvernement n'agit pas, il ne faut pas accuser celui-là, la faute sera au gouvernement. Donc, il n'y a pas lieu à se lamenter comme s'il n'y avait pas d'État. Plutôt, il faut dire à l'État, il ne faut pas laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent. C'est cela que je conseillerais, parce que si on globalise, c'est un problème. Avec la permission du général et avec la vôtre. Il n'est plus général. D'après ce qu'il a dit. Le secrétaire général. Vous m'excusez. Il est tout général. Mais général est resté. Il en reste quelque part. Le secrétaire général. Non. Le problème, ce n'est pas que je n'ai pas été devant une juridiction pour dénoncer ceci, cela. Le problème, c'est la gestion de ces faits-là. Et je ne suis pas ici pour me lamenter. Mais je suis ici pour communiquer, pour que on puisse au moins tabler sur cette communication et corriger ce qu'il faut corriger ou ce qui reste à corriger. De toute façon, moi, si je téléphone une autorité administrative X pour un cas qui se produit dans sa circonscription, dans sa localité, est-ce que je n'ai pas fait mon devoir, puisqu'il est représentant du gouvernement central? Et là, je vous jure, je l'ai bel et bien fait. Que ce soit pour le cas de Marangara, pour le cas de Nyamurenza, pour le cas de Gashikanwa et même d'autres. Je vous ai dit, non seulement on n'a pas fait de dénonciation, mais même il y a eu même des descentes. Des députés sont allés se rendre compte à Mutimbuzi, par exemple. Ils ont cherché le chef de zone, ils ont cherché le chef de poste, et chacun de ces autorités-là a cherché à se dérober. Mais de toute façon, vous devriez savoir une chose, pour résoudre des problèmes, tout ne doit pas nécessairement passer par les cours et tribunaux. Il y a des problèmes qui peuvent être réglés sur le champ par l'autorité administrative qui est sur terrain. Et je me dis qu'en termes de cohabitation, l'administration est beaucoup plus interpellée que la magistrature. Parce que c'est le policier, c'est le PJ, c'est le magistrat qui doivent veiller à la bonne application de la loi. Alors, s'il y a infraction, normalement, ce sont ces gens-là qui sont sur terre qui devraient intervenir les premiers. Je pense qu'il m'avait coupé la parole. J'ai le droit de continuer parce que soyons brefs, parce que le temps. Il y a l'administration ici qui n'a pas encore parlé. Je pense que tout ce que j'ai dit. Et puis, moi, je n'ai pas menti du tout. Ce sont des faits vérifiables sur terre. Il faut distinguer les choses. Les questions pénales, ce ne sont pas des questions où on peut négocier. Les questions pénales doivent être punies par la loi. Il n'y a pas de négociation sur les crimes d'ordre pénal. L'intervention de l'autorité vient quand ce sont des conflits civils. Là, l'autorité intervient. Mais ce qu'il dit, je sens que c'est le pénal, parce que s'il y a séquestration, ces questions pénales, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire l'autorité intervient pour effectivement punir et non pour alléger les choses qui sont pénales. Deuxièmement, je parlais de ce qui nous unit. Il y a la sécurité, il y a les droits de l'homme, il y a le bien-être des citoyens, le développement du pays. Tout cela nous unit. Alors, nous devons avoir en tête qu'il faut qu'il y ait solidarité nationale sur ces questions. S'il y a des criminels, nous devons être solidaires pour traquer les criminels. Tout citoyen est appelé à intervenir chaque fois qu'il y a un criminel. Donc, mais des fois, il y a une certaine opinion sur le terrain qui dit que le sein des DFDD protège certains jeunes du parti pour ne pas être punis. Moi, je dis, s'il y a eu un criminel qui a été couvert par le parti sein des DFDD, condamnons pour que la question soit levée. Donc, allons visiter les prisons. L'exemple est simple. Est-ce que vous pensez qu'en prison, il n'y a pas de ceux qui étaient membres de CNDFDD? Allons vérifier ensemble. Si nous manquons des membres de CNDFDD qui sont devenus des criminels et qui sont en prison, c'est là où nous allons confirmer. Heureusement, nous sommes ici avec l'administration à Terence Naïra Adja. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Vous avez en charge justement la gestion de ces partis politiques. On a dénoncé des cas ici et là. Qu'est-ce qu'a fait l'administration? Comme vous le réalisez, la situation s'améliore effectivement. Il y a eu des rapages, c'est vrai, mais il ne faut pas que les gens restent là-bas. Il faut que la loi soit respectée. Ici, je voudrais juste rappeler ce que c'est un parti politique. Les politologues ont essayé de définir ce que c'est un parti politique. Il y a dit quelques éléments en aberrance. Je voudrais le compléter par l'article 2 de la loi sur les partis politiques. Pour que chacun qui est ce qu'il représente sache, il représente quoi. Un parti politique est une association sans but lucratif, doté de la personnalité civile, regroupant des citoyens autour d'un projet de société démocratique, fondé sur l'unité nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs précis, dicté par le souci de servir l'intérêt général et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens. Voilà en fait le sens profond de ce que c'est un parti politique. C'est ça qui devrait en fait se faire. Alors nous demandons à ce que le sens même d'un parti politique soit respecté. Nous demandons à ce que la loi régissant justement l'organisation, la création, l'organisation et le fonctionnement de ces partis soient respectés. Nous demandons à ce que justement la loi régissant la tenue des réunions, des congrès et autres soit aussi respectée. Il existe une loi appropriée parce qu'il y a une intégrité qui dit que tout cela se fait au niveau des partis politiques dans les conditions définies par la loi. Laquelle loi a été violée justement lors des manifestations de l'année passée qui se sont transformées en insurrection et en désordre dans le pays. Voilà. En fait, nous demandons le respect de cela. Si vous voulez jouer la politique, faire des réunions politiques, il faut un parti politique. On a rapporté ces derniers jours à Kilundo, il y avait des membres du FNL qui ont été appréhendés. Ils étaient dans une maison, ils partageaient justement de la bière. Est-ce que ça aussi c'est une réunion? Parce que est-ce qu'il faut clarifier une réunion ou une visite? Voilà, j'aimerais rappeler de l'article 7 à l'article 9 de la dite loi que je viens de citer. C'est clair, si vous voulez faire une réunion d'un parti politique, 4 jours avant, vous informez l'autorité administrative par un écrit que vous déposez et vous recevez à l'SPC qui montre que vous avez déposé cette information. Et l'autorité compétente a ces 4 jours pour évaluer et voir si réellement il s'agit d'une réunion qui ne peut pas porter atteinte à la sécurité nationale, à la sécurité. Si les 4 jours se passent sans que l'autorité compétente réponde, c'est qu'il a accepté. Tout comme il peut répondre directement en acceptant. Mais s'il trouve que la tenue de la dite réunion a une atteinte à la sécurité du pays, il peut dire non à la tenue de la réunion. Tout comme même, si la réunion a déjà commencé et que la sécurité commence à être sabotée, les gens peuvent être dans la réunion et commencer à se chamailler, à se battre, ça peut arriver. Ça arrive même dans quelques assemblées nationales. Dernièrement, j'ai vu en Turquie. C'était dommage, car les députés étaient en train de se tirer en sautant sur les tables. La sécurité a été perturbée. Vous imaginez? À ce moment aussi, le comité a même le droit de suspendre à ce moment la réunion pour un parti politique. Il y a alors des conditions qui sont bien définies, qui doivent être respectées. Mais si vous vous trouvez dans une réunion sans avoir rempli les conditions, il est normal que l'autorité compétente prenne des mesures adéquate pour ramener la sécurité. Peut-être, excusez-moi, peut-être que la question n'a pas été bien comprise. Oui. J'ai parlé, quelle est la différence entre les gens qui tiennent une réunion et les gens qui sont trouvés justement dans une maison en train de partager? Est-ce que cette accusation qu'ils sont en train de tenir une réunion dans un ménage, est-ce que ça tient? Ça dépend. Mm-hmm. Si vous parlez du cas qui est arrivé à Kirundo, mm-hmm. si j'ai suivi, on a dit qu'il y avait même les responsables de ces indépendants qui venaient d'autres provinces. Oui, dans cette région, mais qui se retrouvaient quelque part dans une maison à une réunion. Pour les détails, qu'on fait la justice. Mm. Mais le rapport qui nous est parvenu nous parle de cela. Mm. Oui, Léonce Ngendakoumana, justement, comment est-ce qu'il faut gérer ces cas qui s'observent aujourd'hui sur le terrain de gens qui sont arrêtés ou d'autres qui sont malmenés ou d'autres, cette cohabitation? Comment est-ce que, quelle devrait être la gestion aujourd'hui pour que les choses retournent à la normale? Les faits. Ils sont têtus, ils sont la colonie ou pas, les faits sont là. Les causes de ces faits, les manifestations, les conséquences sont là. C'est une réalité que nous vivons au quotidien. Comme vous le dites, maintenant, c'est la question de gestion, c'est la question d'alternative de solution. Lorsque, depuis un certain temps, le CNDD-FDD a rejeté l'accord d'Arusha et partant la constitution de la République du Burundi. On parlait de la constitution, on parlait des lois. Et bon, au niveau des mots, c'est bon. Mais dans la pratique, est-ce que la loi est respectée? Est-ce que la loi est appliquée et respectée? Non, je dis tout de suite non. Pour le cas des partis politiques, je l'ai dit, je le répète, si vous ne l'avez pas bien saisi, au vrai sens du mot, les partis politiques n'existent pas réellement au Burundi. Nous avons un parti État qui a détruit complètement et systématiquement tous les partis politiques et qui s'est même aujourd'hui en train de se détruire. Le parti CNDD-FDD maintenant est en train d'être détruit aussi. Hein? Le FNL a été détruit, le FNL a été détruit, l'IPRONA a été détruit. Mais bon, on peut allonger la liste de telle sorte qu'aujourd'hui, il faut d'abord reconstituer le système politique qui se conforme progressivement à une évolution que l'on fait dans le monde, la démocratisation des sociétés. Est-ce que c'est pas les membres, est-ce que c'est pas les présidents des partis politiques qui ont changé, puisque ces partis ils existent et le PRONA existe? Est-ce que c'est pas les dirigeants qui ont changé? Dans les papiers et dans nous, ça existe. Parce qu'un parti, c'est la liberté des militants. Hein? C'est le fonctionnement des organes de ces partis. Je dois vous dire que, par exemple, au niveau du parti Savonia-Fraude, nous venons d'organiser, de préparer, d'organiser un congrès. Là, quand on prépare et on organise un congrès, on part de la base au sommet. Tous les militants de la base au sommet nous ont confirmé que l'administration, les jeunes Imbonerakure et quelques policiers, quelques militaires, les ont empêchés systématiquement de faire des réunions. Sous prétexte que c'est pour préparer à une fois des manifestations, comme en avril 2015, que c'est pour préparer le terrain à ceux qui ont pris les armes, que l'ex-président du Front Debout, comme il vient de le dire, c'est un mauvais citoyen. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ça ce que les gens disent. On me dit même qu'à la télévision, quand on présente quelques personnes qui sont usées dans la société, que je serai dedans, mais je ne crois pas qu'on puisse faire passer cela à une télévision. Une radio télévision nationale, je suis en train de vérifier. Ça serait extrêmement grave, mais vous l'avez insinué. J'ai des dossiers, effectivement. J'ai 5 dossiers depuis que le CNDD-FDD est là. Et le CNDD-FDD a oublié qu'on s'est battu ensemble pour combattre un système qui était oppresseur. Hein? Ils sont en train de rééditer ce même système. Alors, je disais que pour autant que on ne retourne pas à l'accord d'Arusha et à la constitution qui ont mis en terme à ces pratiques de répression des autres parce qu'on n'a pas les mêmes idées, parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même conception, on n'aura pas de solution. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, un, c'est que on constate effectivement que le système basé sur les partis politiques au Burundi ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer par les présidents ou les membres des partis politiques? Ils ont un rôle à jouer pour que les choses redeviennent normales. Je vous ai dit que nous sommes dans un système de parti-État. Je suis en train d'expliquer comment on peut quitter ce système. Mm-hmm. Sinon, moi, il dit que je vis dans tout près du ciel. Tout près du palais présidentiel. Je ne vais pas mener un débat là-dessus parce que c'est pas ça qu'on cherche aujourd'hui. C'est qu'on cherche pour qu'on puisse fonctionner. Alors, il faut que la première chose, il faut permettre aux partis politiques de s'organiser eux-mêmes et de fonctionner. Il ne faut pas que le CNDD-FDD s'arroge le droit via le ministère de l'Intérieur de gérer les autres partis politiques. Il n'a aucun droit. Et il n'y a même pas de petits partis politiques. Il y a qui parlent de petits ou de grands partis politiques. Tu peux être grand et devenir petit demain. Tu peux être petit aujourd'hui et devenir grand demain après demain. Mmh. Il ne faut pas faire cette confusion. Alors, il faut qu'on laisse les partis politiques s'organiser et fonctionner. Je disais que notre parti existe aujourd'hui dans les textes. Au niveau du ministère de l'Intérieur, on parlait du front debout. Oui, oui. Mais quand on doit se déplacer pour aller rencontrer nos militants et faire fonctionner les organes du parti, ça ne marchait pas. Et en ce moment, pratiquement, on n'existe pas. On fait recours aux jeunes bonheurs, on fait recours aux instruments de répression. Ce qui vient de passer avec notre président de fédération, donc notre représentant provincial à Karou, si c'est trop parlant, le procureur lui-même a reconnu qu'après 17 jours, il n'a trouvé aucune charge. Pourtant, c'est lui qui a établi le mandat de l'arrêter. Mmh. Après sa libération par l'OPJ de la commune Niabikere. Alors, dire qu'après 17 jours, il ne connaît pas pourquoi est-ce que cette personne est là, c'est extrêmement grave. En fait, il avait emprisonné sous injonction de Jeune Bonheur de la commune, de l'administrateur communal et du commissaire. Alors, il avait peur de passer à côté de ces injonctions. Ce sont ceux-là maintenant qui dirigent. Oui, honorable Agathon Rwasa, est-ce qu'il y a un rôle à jouer par vous, les leaders des partis politiques, pour que la cohabitation redevienne normale? Le rôle est à être joué par tout le monde. Par tout le monde, parce que ce qui nous divise, à mon regard, est vraiment insignifiant. Nous sommes Burundais, avant et après tout. Nous sommes dans les partis politiques, nous sommes dans la société civile, nous sommes dans les confessions religieuses. Mais tout ça, ce sont des fabrications vraiment, je dirais, factices. On est Burundais avant tout. Et on est Burundais après toute cette histoire-là de différence, de division, de tralala. Mm. Nous devrions comprendre que nous sommes Burundais et œuvrer pour un Burundi meilleur. En ce moment-là, si nous sentons que c'est un devoir à nous tous, point de ripaille entre nous, point d'orix entre ceci et cela, point d'histoire de considération, je ne sais pas de couleur de nos peaux, si c'est teinté, si c'est plus noir, si c'est je ne sais comment, tout ça, on oublierait. En fait, nous sommes beaucoup plus préoccupés par des détails que par l'essentiel. Les partis politiques, c'est quoi? Si la vocation des partis politiques et de chercher à organiser la société pour sa promotion. Pourquoi devrions-nous nous rentrer dedans? Pourquoi devrions-nous faire du juridisme au lieu d'appliquer le droit? Le droit, ce n'est jamais curviligne. C'est direct. Et c'est pour l'intérêt de tous. Mais si nous faisons obstacle à une meilleure organisation et fonctionnement des organisations politiques, par exemple, c'est comme si nous taillons la branche d'un arbre sur laquelle nous taillons une branche sur laquelle nous sommes assis. Après tout, on ne va jamais voir un Burundi prospérer lorsque on passe toujours à comment museler l'autre, à comment écarter l'autre. On passe plus de temps dans des manœuvres qui ne nous aident pas à consolider notre économie. Et vous savez, ventre affamé n'a point d'oreille. Autant les Burundais seront misérables, autant nous aurons des difficultés à gérer ce pays sur le plan politique. Donc, nous devrions nous préoccuper de ce qui est essentiel. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il faudrait que je crée un parti politique. Pourquoi? On a plus de 40 partis politiques. Faut-il en rajouter? Mm-hmm. Quelle serait la valeur ajoutée si on créait davantage de partis politiques? Ou plutôt, ne devrait-on plutôt plaider à ce que les partis disloqués se réunifient? Et ça, c'est vraiment même une grande recommandation de la feuille de route pour qu'on ait des partis solides, des partis ancrés dans la population, plutôt que d'avoir juste un pléthore de partis criailleurs. Donc, pour moi, je me dis même que ce débat, malgré tout ce que l'on peut faire comme accusation dans un sens ou dans un autre, ça n'a pas du tout de, ça n'a rien comme valeur ajoutée après tout. Le secrétaire général du CNDD-FDD a dit que la séquestration c'est pénal. Très bien. Mais où est la justice est où grâce à ce qu'on met. Est-ce qu'elle doit attendre mon interpellation? Elle doit attendre la sienne? Ou bien elle doit jouer son rôle? L'administration, lorsqu'elle constate que ce genre de fait se commet sur son territoire. Peut-être qu'on dit qu'il y a des procès qu'on tient par plainte. S'il n'y a pas eu quelqu'un qui est allé se plaindre. Non, la loi est claire. Mm-hmm. Nul citoyen n'a le droit de séquestrer son concitoyen. Mm-hmm. Léonce ne peut pas venir m'arrêter. Je ne peux pas venir vous arrêter. Ce n'est pas mon rôle. Tout ce que je peux faire, je peux vous dénoncer. Il peut me dénoncer. On ne peut que se limiter là. Mm-hmm. Maintenant, ça se commet, c'est flagrant. Alors, les organes habilités à agir, pourquoi est-ce qu'il faut semblant de ne pas être là? Si on le dit, c'est juste pour interpeller ces organes-là, pour qu'ils se ressaisissent et jouent pleinement leur rôle. Sinon, ce n'est pas question de faire des jérémiades, non. Nous plaidons la cause de ces citoyens parce que quelque part, ceux qui devraient les secourir semblent être absents. Si la justice se dérobe ou regarde ailleurs lorsque des citoyens sont malmenés par leurs concitoyens dans un village ou dans un centre quelconque, si on interpelle l'administration pour qu'elle veille à ce qu'il y ait quiétude dans la circonscription, n'a-t-on pas contribué? Il reste alors à ces autorités-là, chacun dans ses attributions, de jouer pleinement son rôle. Le policier, l'administratif, le magistrat, il faut que chacun soit là, 24 heures sur 24 heures, veillant à ce qu'il remplisse son rôle. C'est ça que nous demandons. Et si nous le faisons, ce n'est pas de la globalisation. Nous avons cité des cas, c'est vérifiable. Ça serait dommage si je disais que les Imbonerakure comme ça, ou si je disais les jeunes du Front Debout comme ça. Mais je vous ai dit des cas précis. Dans une localité X, à telle période de l'année, tel a été les faits qui ont été observés dans ce coin-là. Ce n'est pas de la globalisation. Et à ce moment, je crois que l'autorité compétente devrait intervenir. C'est bon, il a dit qu'on ne négocie pas dans ce genre de choses. Est-ce que l'administration ne sait pas qu'on ne négocie pas avec des gens qui outrepassent la loi dans ce sens? Est-ce que la justice ne sait pas qu'on ne négocie pas avec ceux qui séquestrent les autres? Pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas contre ces gens? Donc, c'est une interpellation envers ces autorités-là, parce qu'ils doivent jouer pleinement leur rôle. Ce n'est pas à nous de le faire. Ils ne devraient pas le faire parce que nous avons transmis un dossier au parquet. Non, ils doivent le faire puisque c'est leur responsabilité au quotidien. Mais faute de pouvoir aller plaider, au moins, on les informe des situations pour qu'ils prennent les mesures appropriées. Mmh. Oui. Et ça, sincèrement, ce n'est pas de la globalisation que nous faisons. Mmh. Ce n'est pas non plus de la manipulation que je fais. Pas du tout. Moi, je parle des cas flagrants. Et je dois vous dire que pour le cas de ce commerçant de Changuzo, je viens d'apprendre que maintenant, on a démoli son habitat ou qu'on a tout embarqué. Mmh. Mais tout ça, pourquoi? Est-ce que tout d'abord, la commercialisation du sucre, pourquoi est-ce qu'on en fait un sujet vraiment comme si c'était une denrée stratégique? C'est le commerce, ça relève du ministère du commerce. Mais le gouverneur, pour montrer sa toute puissance, si ce n'est pas lui qui vous a mis sur la liste, vous allez être malmené. Ça, c'est même, à la limite, inacceptable. Le temps presse, justement. Oui. Mais tout ce que je dis, j'invite mes frères burundais à penser Burundais plus qu'autre chose. À ce moment-là, nous allons vraiment voir de meilleurs jours bientôt. Merci beaucoup. Mosaïque. Nous allons à bientôt terminer, nous cheminons vers la fin de cette émission. Évariste Ndayishimiye, vous êtes pointé du doigt, le parti CNDD-FDD est pointé du doigt d'avoir une main dans le sectionnement des partis politiques. Merci madame, je suis content que Léos parle aussi de la division au sein du CNDD-FDD. Qui a divisé le CNDD-FDD? C'est une maladie des partis politiques. C'est le terrain. C'est une maladie des partis politiques et tous les partis politiques. Vous avez parlé qu'il faut laisser les partis politiques se gérer et aimer. Mais l'autre chose, vous dites, il faut que le gouvernement fasse ça aussi. Le gouvernement ne va pas unir les gens qui se sont divisés, qui ont leur propre idéologie, parce que le gouvernement ne veut pas s'y ingérer. S'il y a un problème, on se dit FNL. C'est-à-dire que ce sont les membres du FNL qui s'organisent pour se gérer, mais ce n'est pas le gouvernement qui va venir intervenir là-dedans. Donc on nous laisse nous organiser alors. Oui, personne ne vous a empêché. Pas plus. D'ailleurs, je sais que parmi les hauts cadres qui sont élus, il y a quelqu'un, on a échangé, je lui ai dit, la solution, allez vous asseoir ensemble parce que le gouvernement ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un parti politique. Qui vous a empêché? C'est ce que j'ai conseillé depuis longtemps. Donc, pour vous dire quoi, disons que c'est une maladie des partis politiques. Parce que le CNDD-FDD est la première victime de la division. Souvenez-vous, de Kadola Jao, il a emporté les siens. Il y a eu Jérémy, il est dehors. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est une maladie des partis politiques. C'est-à-dire que on comprend les choses de la même manière. Le problème, la divergence vient quand il s'agit de gérer ces choses-là. Donc il faut prendre conscience de nous-mêmes, savoir qui nous sommes. Il faut toujours distinguer un parti politique et un État. Finalement, Léos n'a pas compris ce que un état de droit ou un parti état. Un parti état, souvenez-vous de l'Iprona, même les membres de la justice étaient membres du parti qui cotisait régulièrement. Les membres du corps de défense et de sécurité étaient des membres du comité central du parti. C'est-à-dire, l'État était devenu le parti. Était. Oui. Mais aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui même, au gouvernement, ce n'est pas homogène. Même le gouvernement qui est composé de 20 ministres, ce n'est pas homogène. L'Assemblée nationale, ce n'est pas homogène. L'école de défense et de sécurité, il est vrai que les membres sont venus de plusieurs tendances. Mais aujourd'hui, ils ont un seul commandement. Mais ils ne sont pas membres d'un parti politique comme c'était le cas au cas de l'Iprona. Donc, moi-même, pour être président du parti politique, il a fallu que je démissionne. Donc, pour montrer bien que le CNDD-FDD n'est pas un parti État, plutôt... Dites que le CNDD-FDD a beaucoup de membres derrière lui. Alors, ça, le CNDD-FDD ne peut pas être victime d'avoir une idéologie qui est suivie par une grande masse de la population. Okay, clôture. Donc, pour vous dire que nous comprenons les choses de la même manière, mais le problème, c'est la gestion. C'est pour cela que j'interpelle le ministère de l'Intérieur. Donc, d'organiser des rencontres régulières entre les partis politiques pour qu'ils puissent effectivement voir les choses de la même manière et savoir comment aider le gouvernement, appuyer le gouvernement à bien gérer le pays. Sinon, il n'y a pas de divergence concernant notre vision pour l'avenir de notre pays. Alors, on a parlé de la situation et elle est telle qu'elle a été soulevée. Honorable Agathon Rwasa, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans les médias? Je voudrais d'abord réagir si c'était propos. Oui, votre parole, je vais vous l'accorder. Dans les médias, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le retour à la normale soit observé? Ce que l'on doit faire, c'est que chacun joue son rôle. Il faut que l'officier de police agit en tant qu'officier de police et ne se laisse pas supplanter par un quelconque autre citoyen dans la gestion des affaires sécuritaires. Il faut que celui qui est chargé de l'administration gère pour tous les citoyens de sa circonscription, qui ne fait pas exception de qui que ce soit, et qu'il veille à ce que ces citoyens qu'il gère vivent en harmonie. Et c'est possible. Il faut que ceux de la justice, la magistrature, il faut qu'elle soit là pour aider ceux qui ont des difficultés avec la loi, puissent être ramenés sur le bon chemin. Comme ça, on pourra alors avancer très bien. Et il faut que les gestionnaires des formations politiques comprennent que c'est un Burundi qui nous est cher à nous tous. Il n'y a pas de super citoyens, il n'y a pas de citoyens minables. À ce moment, si on a les mêmes égards pour tout le monde et qu'on enseigne la concorde parmi les habitants d'un même village, d'une même colline, si on fait tous ce devoir-là, j'espère que tout ira bien. Mais si on ne veille pas et qu'on cherche à le garder ailleurs, lorsque le torchon risque de brûler entre les citoyens dans les villages, à ce moment-là, ça sera un peu irresponsable de la part de ceux qui sont appelés à gérer ces organisations-là. Oui, Léon Sengenda-Koumana, qu'est-ce qu'il faut faire dans les médias pour que les choses retournent justement à la normale? Il faut réhabiliter les piliers de la paix dans ce pays, l'accord d'Arusha et la constitution. Il faut que ce soit des références politiques et juridiques pour la gestion de ce pays. Nous refusons la dictature militaire que le parti CNDD-FDD veut imposer aujourd'hui au peuple burundais. Deux, il faut réhabiliter les piliers de la démocratie, que sont les partis politiques, je l'ai dit, doivent être libérés. Maintenant, tout l'espace politique est verrouillé. Il faut le déverrouiller pour que les partis politiques fonctionnent, s'organisent et fonctionnent conformément à l'accord d'Arusha et à la Constitution. Pas à la simple volonté du parti CNDD-FDD via le ministère de l'Intérieur et via les jeunes de la Corée. Il faut aussi que les médias soient réhabilités. Maintenant, on est en train de parler uniquement sur ce média. Il y a d'autres médias qui ont été détruits, qui sont fermés. Il faut que ces médias soient ouverts pour qu'on puisse s'exprimer librement partout et surtout. Tu ne dois pas être confiné sur une radio-télévision nationale qui n'accepte que uniquement le parti CNDD-FDD et ses acolytes. Ça, il faut aussi que la société civile puisse être réhabilitée dans ses droits et fonctionner. Alors, tout cela doit obligatoirement passer par ce qu'il a appelé la vérité. Mais avec grand V, pas la vérité du parti CNDD-FDD. Il y a notre vérité, il n'y a pas la vérité du CNDD-FDD, mais nous cherchons la vérité pour tous les Burundais, comme Wassa le disait. Il faut aussi accepter qu'il y ait tolérance et ouverture politique. Il faut qu'il y ait l'esprit de compromis. Et cela doit passer par la voie des négociations aujourd'hui pour créer cet environnement. Sans dire que celui-ci s'est comporté comme ça, l'autre s'est comporté comme ça, on le dira. On va le dire sur la table des négociations. Ils ont trouvé qu'il y a des poteaux de troubles qui ne remplissent pas les conditions. On le verra là-bas. Ce ne sera pas une simple question. Mais enfin, je pense que le dialogue politique doit être renforcé parce que c'est prévu par l'accord d'affaires et la constitution. Il faut qu'on se rende compte. Mais ça doit se dérouler en deux phases. Une phase à l'extérieur du pays avec la contribution de tout le monde. Et on va le rapatrier au Burundi. Pas cette manipulation que nous sommes en train d'observer en disant qu'on a consulté tout un peuple et que le peuple a dit que la première préoccupation, avoir un président sa vie. Première préoccupation du peuple burundais. Deuxième préoccupation du peuple burundais, chasser les anciens chefs d'État du Sénat. Mes chers amis, avec tous les malheurs qui pèsent sur les Burundais aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent avoir cette occasion, cette chance et aller penser à un troisième mandat de quelques politiciens? C'est pas possible, c'est inimaginable. Donc, la vérité, lutter contre la culture du mensonge, comme vous l'avez dit. Terence Nahira Adja, vous avez entendu, ils ont dit qu'il faut organiser des réunions envers les partis politiques. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement, même si vous êtes accusé de travailler pour le compte du CNDD-FDD? Tu n'as pas permis le temps d'abord de réagir si c'était profond mensonge qu'ils ont dit. Permettez-moi d'y revenir alors. Alors, honorable Agathon Rwasa, il a bien précisé que l'arrestation arbitraire est presque dans tout le pays. Ce sont ses propos. Ça, c'est faux. Le pays est grand. Nous avons plus de 3000 collines. Tout le monde n'est pas ange. Il peut y avoir des dérapages ici et là. Léo Sengenda-Koumana, il dit la coalition pacifique des politiques n'existe pas. C'est faux et archi faux. Il me donne une province où ils ont demandé de tenir une réunion dans une commune, nous avons 119, ou dans la province, où on a refusé, et qu'ils ont reproté au ministère de l'Intérieur de la formation patriotique, jamais. Rappelez-vous, quand on préparait les élections de 2015, il racontait cette histoire, on a fait l'exercice d'enregistrer les réunions tenues par les partis politiques dans toutes les communes du pays. Le FDB n'avait jamais dépassé au moins 5 provinces, une réunion ou deux. Et chaque fois, à la fin du mois, c'est moi qui faisais la conférence de presse pour dénoncer les chiffres. Et la radio Isanganiro était là. Si vous voulez, les éléments sonores, c'est là. On voulait savoir l'indicateur de quelle est la force. Quel est ce parti qui parle? Oui, il a même dit que le Frodo est dans les papiers maintenant. Il a dit. Alors, il faut accepter que si on a pris d'autres partisans qui ont adhéré à d'autres partis politiques, il faut le reconnaître. Si la plupart de ces partisans ont adhéré au parti au pouvoir, ce n'est pas le parti État. Il y a la démocratie. Qu'il me montre une commune, ils ont demandé de tenir une réunion sur un parti politique. Mais je sais clair, pour Ami 07A en partie, je le déclare encore, s'il veut être en partie, soit il fusionne, il s'entend. Parce que l'article 9 dit que la loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics au fonctionnement des partis politiques. Si Gwasa et Bigimara s'entendent conformément à la loi, mais croire tenir une réunion en dehors d'un parti qui n'est pas agréé, l'administration, les forces de sécurité n'accepteront jamais. C'est ce que je voudrais dire. Ensuite, parti État, c'est faux, on n'y revient pas. Alors vous voudriez qu'on ait accusé qu'est-ce qu'il a dit cela État, ce qu'ils ont dit la plupart sont des maçons, comme l'a déclaré le secrétaire général. Je le déclare, devant eux, et je le dis, nous sommes dans la paix dans tout le pays. Tout le monde circule comme il le veut, mais les cadres de la page ne manquent pas. Là, alors, il faut que la loi soit respectée. Et je vais y aller directement pour les conseils. Parle-nous d'abord de ce que vous allez faire dans l'immédiat pour gérer ces cas qui se trouvent sur terrain qu'on a cité. Oui, ce que nous allons faire pour ces cas, d'abord, il y a ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. J'ai parlé du respect de la loi. Comme je l'ai dit dans l'émission Kunama, c'est ce que je dis dans Mosaïque. Les conseils, je vais y arriver. Mais avant de les citer, ce n'est pas beaucoup. Je termine. Je voudrais rappeler ce que c'est les coalitions pendant l'électorat. C'est-à-dire que lors des élections, les partis politiques peuvent former des coalitions. Et la coalition est un assemblement momentané de deux ou plusieurs partis politiques en vue de poursuivre un ou plusieurs objectifs conformément aux articles 36 et 48 de la loi régissant les partis politiques. Les élections terminées, même si vous êtes élu, vous êtes là. Mais comme parti, tenir les élections politiques comme parti, ça ne marche pas. Ou bien vous formez un parti, ou bien vous retournez dans votre parti et vous faites la politique. Alors, pour conseiller, un, comme je l'ai dit, c'est le respect de la loi. La loi est là, et elle est claire, et elle est bonne, comme je l'ai dit. Mais il faut que ce soit au niveau du gouvernement, nous-mêmes qui le représentons, au niveau des partis politiques et les autres, respectons la loi. Si nous la respectons, tout ira bien. Deuxièmement, il faut que nous soyons des patriotes qui aiment notre pays, à le servir, à nous aimer les uns les autres, en travaillant, en évitant le mensonge. Parce que je dis cela parce qu'il y a certains politiciens et de certaines personnes qui osent diaboliser les pays à l'étranger pour empêcher même une aide qui devrait venir aider les grands-parents. Honorable Ouassa a dit une bonne chose. Reconnaissons d'abord que nous sommes des bons. Que vous l'avez fait, mais rapidement, on y va. Oui, rapidement. Il a déjà parlé pour nous. Non, ça c'est faux. Le secrétaire général, moi je représente le gouvernement. C'est le moment de converger sur ce qui nous unit. Nous sommes des Burundais. Nous partageons le même pays, la même langue, le même destiné. Donc, si aujourd'hui je vois Léos et Honorable Gwasa ensemble ici, d'abord je suis apaisé. Plutôt permettons-nous qu'on reste en contact. Si Gwasa n'a pas de contact avec telle autorité, il peut me demander, voici ce qui se passe là-bas, il faut qu'on dénonce cela ensemble. Parce que s'il y a des fautes commises, il faut qu'on se coalise sur ces fautes pour que ça soit corrigé. Donc, je demanderai à Léos, à Gwasa et aux autres présidents des partis politiques de rester sereins et puis nous allons résoudre tous les problèmes ensemble. Sinon, ce qui nous unit, c'est l'avenir du pays. Si nous avons la misère, comme il le dit, nous le voyons de la même manière, nous cherchons les solutions ensemble et puis on continue. Ce n'est pas des choses qui sont négociable parce que nous le comprenons de la même manière. Donc, j'interpelle les présidents des partis politiques de rester serrés pour que les membres qui sont derrière eux soient aussi serrés. Et puis, s'il y a des difficultés, nous devons les gérer ensemble et ne pas amener le gouvernement dans les difficultés. Plutôt, il faut qu'on appuie le gouvernement à trouver des solutions sur beaucoup de questions parce que le Burundi n'est pas un paradis. C'est justement sur cette lueur d'espoir que nous mettons fin à cette émission. Merci à Évariste Ndayishimiye. Vous êtes secrétaire général du parti CNDD-FDD. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, madame. Oui, merci à l'honorable Agathon Rwasa d'avoir accepté aussi cette invitation dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour les auditeurs. Merci à Léon Senghendakoumana pour encore une fois avoir accepté et de répondre à notre invitation. Je prends acte de ce que vient d'annoncer le secrétaire général du parti, c'est-à-dire à condition qu'il prenne son téléphone, qu'il soit disponible Et ce qu'il vient de dire, c'est le porte-parole ou l'assistant ou le permanent. C'est le porte-parole et l'assistant en même temps. C'est à même de toi en même temps de nous laisser fonctionner. Qu'on soit sur une colline, qu'on soit sur deux collines, mais qu'on nous laisse fonctionner. Mmh. Et si je veux vous le démontrer, et on va commencer à organiser des réunions. Bien sûr. On va commencer partout. C'est-à-dire qu'il a bien laissé de faire des réunions finalement. Si vous n'empêchez pas ces jeunes, vous allez la couler et ces policiers, nous allons. Ne diabolisez pas les jeunes d'autres partis politiques. Je vous dis tout de suite, vous dites qu'on nous empêche. Je viens de vous dire que nous avons organisé. Conformément à la loi. Justement, je précise bien, le respect de la loi doit être cautionné. Ah, là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, comme mais je vous l'ai dit. Pas une loi orale. Terence Naïlaja, merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à l'émission Mosaïque. Merci, je voudrais d'abord remercier nos chers invités qui ont été présents et de la manière dont nous avons échangé sans difficulté aucune. Je dis aussi grand merci à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, mais aussi à la radio Isanganiro qui a prévu cette émission. Marie-Ange animait ce débat, Aimé Toussaint Mitebouté assurait la mise en onde et Evariste Ndikobanyanga assurait la réalisation. Merci et bonne journée ou bonne soirée à tous nos auditeurs. Mosaïque.